compagnie de Philippe Zarca et de Daniel Kout, on parle d'astrologie et en particulier de l'attitude de la science par rapport à l'astrologie. La question, l'astrologie, comment ça marche, Philippe Zarca, on constate tout d'abord que finalement ça ne fait appel ni au surnaturel, ni à la métaphysique. D'une certaine façon, ce n'est pas à mettre dans le même sac que le reste des croyances, que ce soit le tarot, les esprits ou je ne sais quoi. C'est un statut à part. Tout à fait. C'est, en fait, le postulat de base de l'astrologie est parfaitement rationnel. Simplement, c'est un postulat qui n'est pas prouvé, qui est que les positions de ce qu'on appelle les luminaires, en fait, les planètes, la Lune et le Soleil, bon, il y a une acception du mot luminaire pour simplement la Lune et le Soleil, mais disons, la Lune, le Soleil et les planètes dans le ciel, la position de ces astres, donc par rapport aux constellations d'arrière-plan, par rapport aux signes du zodiaque, et puis dans les angles que ces astres font entre eux, et par rapport au ciel local, donc toutes ces positions, eh bien, vont avoir une influence, vont être liées aux événements terrestres. Alors que ce soit la psychologie humaine, que ce soit les événements qui surviennent, le destin de l'homme. Donc voilà, c'est un postulat de base qui n'est pas magique, en fait. Ce sont des positions qui sont observables. La carte du ciel à l'instant de la naissance ou à un instant quelconque que font les astrologues est une carte, une représentation des positions des planètes, donc, dans l'arrière-fond du ciel local et du zodiaque. C'est une carte qui, à la limite, est purement factuelle et à la limite scientifique. À partir de l'interprétation, c'est là où on rentre vraiment dans la doctrine astrologique qui découle du postulat initial par une déduction permanente. À partir du moment où on accepte le fait qu'il y a un lien entre les positions planétaires et les événements terrestres, eh bien on va essayer de dérouler en fait une série de déductions qui deviennent arbitraires selon les écoles d'astrologie et selon les astrologues individuels. Alors, est-ce qu'on peut regarder, je dirais presque cas par cas, parce que c'est je dirais presque un raisonnement de bon sens en se disant finalement pourquoi pas, regardons la Lune, regardons les planètes et regardons les étoiles. Est-ce que l'astrologie ça marche, et est-ce qu'on a pu tester un certain nombre de choses, par exemple sur la Lune? Est-ce que des études ont été faites? Alors voilà, il y a deux questions en fait dans la question que vous posez, c'est qui renvoie à la manière dont on peut conclure qu'une explication marche. Soit on a une théorie qui est adéquate et qui va faire des prédictions et les observations vont être conformes à ces prédictions, soit on n'a pas. Alors si on a une théorie, ça veut dire qu'on a une compréhension, disons, du fonctionnement du phénomène. Par exemple, pour les marées, c'est la gravitation. C'est l'effet de la gravitation différentielle de la Lune, principalement sur la Terre, un petit peu du Soleil aussi. Et donc on peut faire des prédictions à partir de la loi de la gravitation et de calculs. Soit on n'a pas encore compris le fonctionnement du phénomène, mais on peut l'observer suffisamment longtemps et il est suffisamment répétitif pour qu'on puisse faire des tables, et on s'en sert pour faire des prédictions. Et ensuite, ces prédictions, pour savoir si effectivement ça marche, on va les comparer. On va les tester, en fait, les comparer aux événements effectifs et les tester statistiquement, essentiellement. Alors, évidemment, c'est très différent selon qu'on a une théorie précise qui peut faire des prédictions précises et un petit nombre de cas suffisent à prouver la théorie ensuite, qui est toujours en sursis, si jamais on trouve des contre-exemples, mais ça, la science a une démarche assez ouverte par rapport à ça. Et par contre, quand on ne propose pas de théorie explicative, il va falloir faire des tests statistiques assez sophistiqués, avec des expériences contrôlées, avec des protocoles bien définis. Et c'est là où le bât blesse, puisque par exemple, on parlait de la Lune. Alors évidemment, il y a des effets qui sont clairement liés à la gravitation de la Lune. Il y a des effets qui sont liés à la lumière de la Lune et au folklore qui est associé, et son effet sur la psychologie humaine. Mais il y a énormément d'études qui ont été faites sur la prétendue influence de la Lune, sur les naissances, sur les assassinats, sur plein de choses. Et dans la quasi-totalité des cas, ces études ont été négatives. Et quand elles sont légèrement positives ou douteuses, eh bien, les expériences ne sont absolument pas vérifiables et contrôlées. Par exemple, il va y avoir un biais psychologique, par exemple, qui va être terrible et qui ne va pas permettre de qualifier l'expérience d'objective. Donc vous nous avez expliqué qu'il fallait mettre en place un protocole d'action pour pouvoir, enfin un protocole scientifique pour pouvoir, réussir à comprendre le phénomène quand on voulait l'étudier, et que la plupart du temps c'était à la fois rigoureux, précis, mais que ce n'était pas fait dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, Quand vous regardez ces fameux tests, vous savez, on a toujours la Lune et les naissances, on a la Lune et le jardinier. Vous savez que le premier, premier catalogue en vente en France aujourd'hui, c'est vraiment la Lune du jardinier. Hein, c'est la Lune et les coiffeurs, la Lune et les accidents. Aucun test n'a réussi à démontrer quoi que ce soit. Non, qui aujourd'hui vraiment, infirme cela. Vraiment aucun test. Il n'y a aucun test. Positif. Éventuellement, il y a eu tout un débat autour de l'influence de Mars, qui était censée effectivement permettre de sélectionner les meilleurs sportifs, les sportifs de haut niveau. Ça a été fait sur un échantillon assez important. Ça fait l'objet de débats qui ont duré des décennies. D'ailleurs, c'était un scientifique qui avait mis ce débat au devant de la scène. Il s'appelait Gauquelin. Et ça a été repris par les astronomes, ça a été repris par les astrologues. Il y a eu des... Ça a été refait il n'y a pas très longtemps, c'était publié en Angleterre, je crois que c'est un livre qui s'appelle L'effet Mars, et qui est un livre donc, qu'on peut se procurer assez difficilement, mais qui conclut, l'idée c'était que grosso modo les sportifs de haut niveau, Lord Manoudou par exemple, hein, pour ne pas la nommer, pour des gens de ce calibre là, eh bien statistiquement, parce que ça ne marche pas à chaque fois, c'est ça qui est intéressant, statistiquement ils ont Mars dans leur ciel de naissance. Au bon endroit, enfin bien. Dans des maisons particulières, dans des maisons particulières, vous savez, parce que voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans la technique des astrologues, on leur laisse, mais ils savent le faire mieux que nous. Mais en gros, c'est ça l'idée. C'est que Mars a un rôle particulièrement important dans le ciel du natif, donc, de ces gens-là, au moment de leur naissance. Alors, bon, c'est pas très compliqué. A priori, on peut prendre les... Alors, c'est plus compliqué tout de suite que ce qu'on imagine, parce que de quel sportif va-t-on parler? Qu'est-ce que ça veut dire sportif de haut niveau? Et puis, il faut en avoir suffisamment. Puis après, il faut connaître bien lors de la naissance, etc. Mais enfin, on peut aborder ce problème d'une manière correcte. Ça n'a pas été toujours le cas. Et puis, ça a été fait par des scientifiques eux-mêmes qui ont repris, je ne me souviens plus combien, c'est 2000 ou 3000. De l'ordre 3000, de 2000, mais oui, de c'est l'ordre déjà... De 2000. Oui, on sait que statistiquement, ces échantillons-là deviennent significatifs et l'effet disparaît. Ce qui n'empêche absolument pas les astrologues aujourd'hui de continuer, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que M. Chasseman disait que c'était un combat sans avenir. Mais vous avez dit que c'est un bel échantillon. En fait, le nombre ne suffit pas pour faire un bel échantillon statistique. On peut faire des très beaux échantillons statistiques avec des petits nombres, comme l'a bien montré Carlson, en fait, avec une centaine de personnes seulement. Ça dépend comment on fait l'échantillon, comment on fait un groupe de contrôle et comment on fait le protocole de l'expérience. Il faut tout publier, y compris les résultats négatifs. Alors voilà, là où il y a par exemple... Alors, il y a les statistiques, malheureusement, c'est pas très sexy, d'une part. Et puis ensuite, il y a la fameuse phrase « on leur fait dire ce qu'on veut ». Alors en fait, c'est pas vrai. On fait pas dire du tout aux statistiques ce qu'on veut. Elles disent des choses très précises, mais elles donnent des résultats avec des barres d'erreur, ce qu'on appelle des barres d'erreur, donc des erreurs possibles sur les résultats. Donc quantification de la précision du résultat, qui peut ne pas être très grande. Et donc, c'est assez technique. Mais par contre, ce que disent les statistiques est vraiment relativement précis. Même si c'est assorti de barres d'erreur, on sait quelles sont les erreurs. Bon. Alors, l'un des problèmes simples, par exemple, à comprendre, c'est je reçois, depuis qu'on a publié ce que sais-je, régulièrement des emails avec des gens qui ont fait des études sur des échantillons éventuellement étendus, sur divers phénomènes, diverses corrélations, et parfois, il y a des choses qui sont effectivement significatives. Alors les gens disent, vous voyez, ça marche. On peut probablement tester à peu près 1 milliard de phénomènes ou 1 milliard de milliards de phénomènes terrestres, hein. On peut tester, je ne sais pas moi, les sportifs de haut niveau, les hommes politiques, les mariages, les naissances, les morts, tout ce qu'on veut. Et puis on peut corréler ça à quelques milliers de phénomènes célestes. Les phases de telle ou telle planète, la position dans les maisons, les aspects, les angles, les transits, tout ce qu'on veut. Alors, vous voyez bien que si vous testez, par exemple, 10 000 corrélations possibles, vous faites 10 000 tests, eh bien, évidemment, il y en a nécessairement, enfin, statistiquement, un qui va marcher et qui n'a qu'une chance sur 10 000 de se produire. Si vous ne publiez que celui-là, c'est ce qu'on appelle le biais de publication, eh bien, vous n'avez rien montré, en fait. Bon. Il y a une question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, c'est sur la Lune, et en particulier la croyance la plus affirmée que la Lune, et la pleine Lune en particulier, prédestine le comportement des individus. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'on ne dort pas, on est énervé parce que c'est la pleine Lune. Ce sont les fameux accouchements de la pleine Lune. On peut caricaturer avec le loup-garou, l'assassin, etc. Enfin, vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira qu'au commissariat, un responsable en uniforme vous affirme qu'il y a plus d'arrestations à ce moment-là. Bon, Et là, d'abord, est-ce qu'il y a eu des études ? Et ensuite, si les études montrent que, évidemment, ça pourrait être négatif, pourquoi finalement ça ne réussit pas à passer ? Bon, d'abord, c'est très intéressant ce problème-là, parce que y a la réalité, il y a l'idée qu'on s'en fait. Hein. Alors, d'une part, c'est vrai que souvent on nous dit, mais enfin, vous n'allez pas nier que les astres ont une influence sur nous. Bien sûr, on ne nie pas. La Lune influe sur nous. La preuve, il y a l'influence sur les marées, donc il n'y a pas de raison que nous ayons pas, nous subissions pas une certaine forme d'influence. Mais ce n'est pas forcément une influence physique. Le soleil influe aussi. Parce que bon, on sait bien quand il fait beau, bon, sur le caractère, il fait beau, il fait pas beau, etc. On vit, hein, simplement grâce à la lumière du soleil. Donc ça, c'est une constatation de base qu'il faut rappeler de temps en temps quand même. Ceci étant, est-ce que Jupiter agit sur nous ? Alors là, question, on peut se demander à quel type d'influence les astrologues font appel, parce qu'on sait que la gravitation c'est très ténu à ces distances-là, l'électromagnétisme non plus, donc on voit pas très bien. Et néanmoins, les astrologues ont quand même leurs lois, ils ont bâti des lois, des pseudo-lois, des lois mais qui n'ont rien à voir avec la physique, avec la réalité physique telle que gravitation, électromagnétique, etc. Ça, c'est ce qui fait la grande différence entre l'astrologie et l'astronomie, l'astrophysique. Comme si je disais, bon, le feu, on sait. Moi, je m'intéresse au feu, aux boules de feu, mais je fais de la thermodynamique. Je m'intéresse à la température, etc. Pour autant, un astrologue dirait, bon, ou quelqu'un d'autre qui ne s'intéresse pas à l'objet feu, pourrait dire, ben, c'est vrai que le feu, ça rend jovial, ça rend fou, ça rend triste, ça dépend des gens. Mais on est dans un autre registre, pas du tout dans la réalité physique. Bon. Donc, les lois de la... Alors, donc dans l'astrologie, on parle de Jupiter pour parler de son frère, de sa sœur, de son avenir, son mariage. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la... C'est ça, l'astrologie. Ça parle des comportements humains et pas du tout de la physique. Alors, en ce qui concerne la Lune, c'est vrai que la Lune est dans la culture. Regardez, faites un scan dans Google, regardez Poésie Lune, vous trouverez des milliers de poèmes sur les rapports entre la Lune, l'amour, la poésie. Bon, donc c'est les loups-garous, enfin voilà. Donc c'est évident que de ce point de vue-là, parce que c'est un astre qui est quand même saisissant, qui existe dans notre champ visuel, la Lune a une influence sur nous, mais c'est d'une autre nature. Et quant aux influences, alors présumées sur les naissances, etc., les hôpitaux, les folies, etc., il y a eu des statistiques qui ont été faites. Elles prouveront aussi que nous sommes culturellement marqués par la Lune. Ça ne voudra pas dire que c'est la Lune qui nous envoie des rayons pernicieux ou des rayons verts, etc. C'est tout ce que ça voudra dire. Et donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, dans les hôpitaux en particulier, dans les crèches, dans les maternités. En ce qui concerne les naissances, il n'y a aucune corrélation. Ça a été fait par l'INSERM plusieurs fois, sur des millions de naissances. Et pourtant, vous trouverez toujours dans les maternités des sages-femmes ou des personnes qui continuent à vous dire qu'au jour de pleine lune, il y a une agitation fébrile dans la maternité. Vous voyez, donc même les gens qui sont sur place, ils vont contre les faits établis dans leur propre établissement. C'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est assez compréhensible. C'est à rapprocher finalement de l'intérêt porté à l'astrologie par des gens qui ont une culture scientifique. Une certaine culture scientifique, mais ce qu'Adorno qualifiait d'une culture scientifique incomplète. En fait, des semi-érudits, comme il les appelait, c'est-à-dire sont des gens qui s'intéressent à la science, il n'y a pas du tout de rejet de la science ou d'obscurantisme profond ou d'ignorance profonde, mais simplement, il n'y a pas de grille suffisante pour arriver à distinguer la vraie science de la fausse science. Est-ce que c'est aussi l'idée que finalement la science n'explique pas tout ? Et puis d'ailleurs, c'est une connaissance à un instant T et que finalement plus tard on expliquera scientifiquement ce qui se passe. Donc on peut à la fois admettre la croyance et puis se dire que finalement la science est un bon outil pour comprendre par la suite. Mais la science n'explique pas tout, c'est clair. D'ailleurs, la science n'exclut pas du tout une place dans la vie des gens, à la religion, à diverses croyances, et ça c'est... La science se pose certaines questions, pas toutes les questions, mais avant d'être un ensemble de connaissances, c'est avant tout une méthode, en fait. Et cette méthode n'est absolument pas appliquée dans le cas de l'astrologie. Par exemple, la science procède systématiquement par induction et par déduction. L'induction, c'est-à-dire on observe un ensemble de phénomènes et l'intuition va vous donner une idée d'une explication. On va bâtir une théorie, on va prédire des expériences qu'on va effectuer, donc on va déduire des expériences, on va les effectuer, on va confirmer ou non la théorie. Si on ne la confirme pas, on va la modifier. Et puis les résultats qu'on va avoir vont nous donner d'autres idées, donc on va de nouveau induire et on fait un aller-retour sans arrêt comme ça entre induction, déduction, théorie, expérience. En astrologie, on a fait une monstrueuse induction de base, qui est le lien entre les positions des planètes et les affaires terrestres, point barre pour l'induction. Depuis, on déduit. Et toutes les déductions sont parfaitement arbitraires. Je veux dire, on va vous expliquer les aspects bénéfiques ou maléfiques de telle planète, de tel aspect, de tel transit, sans aucune justification, de près ou de loin, à aucune loi physique d'une part, et en plus sans aucune cohérence d'une école d'astrologie à l'autre ou d'un astrologue à l'autre. En admettant aussi qu'on puisse se tromper, et que se tromper fait partie, ne dément pas complètement absolument. L'idée d'ailleurs, qu'on a au départ. Quoi. Absolument, d'ailleurs les astrologues, en particulier sur le problème de l'erreur et de la preuve, ont montré une démarche un petit peu douteuse lors de la découverte d'Uranus, de Neptune, de Pluton. Et puis maintenant, on peut se demander ce qu'ils vont faire avec le nouveau statut de Pluton. Mais c'est vrai que vous parliez de complicité. On peut dire qu'il y a une complicité objective que réclament les astrologues entre la science officielle et l'astrologie, qui consiste à dire nous ne sommes plus en avance finalement. Hein. C'est plus difficile d'ailleurs. Mais dans un siècle, peut-être avant, peut-être après, les astronomes arriveront à finalement donner une preuve scientifique que l'astrologie est fondée quelque part. Voilà. Alors qu'en réalité, l'astrologie vraiment repose sur un langage symbolique qui peut peut-être être intéressant, peut-être intéressé. C'est dans ce sens-là qu'on peut nous dire, nous ne sommes pas anti-astrologues. C'est un autre corpus, il s'agit d'autre chose. Vous avez des gens qui ont besoin du symbole pour... qui font du symbole, du symbolique, un mode de connaissance ou de relation. Bon, pourquoi pas. Mais ceci étant, ce que je dis souvent aux astrologues, c'est qu'ils ont une grille d'interprétation qui utilise la position des astres, d'accord. Mais ce qu'ils ont rentré dans leur grille, c'est l'homme. Donc à la sortie, ils obtiennent l'homme, et pas davantage, mais rien sur les astres, rien sur l'univers. Donc finalement, ça sert de transaction, c'est tout.